Réponse 48, exercice test. Prenons objet direct. Complétez selon les exemples. Vous entendez? Tu m'entends? Et vous écrivez? Oui, je t'entends. Bien, vous entendez? Tu me vois? Et vous écrivez? Non, je ne te vois pas. 1. Tu nous entends? 2. Tu nous vois? 3. Tu vois Robert et Mireille? 4. Tu entends Marie-Laure? 5. Tu entends Fido? 6. Tu vois Marie-Laure? 7. Tu me vois? 8. Tu vois Fido? 1994, Yale University.